DJ Misneke et la légende, c'est pour Maillet Musique. Je rappelle mes soldats, J-Max, Hiro, Prince Parolier, le lyriciste Bantou, NASA, que Black, Pam, Pam. Mais pourquoi t'es comme ça, baba, baba, baba? Chérie, Bobo. Mais pourquoi c'est comme ça, baba, baba, baba? Elle veut plus de moi, car je suis mauvais. Elle veut plus de moi, rara, car je suis mauvais. Elle souffre en silence, elle pleure des océans, ouais. Son cœur sous ciment, au fond elle n'est pas de ciment. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Mais pourquoi t'es comme ça, baba, baba, baba? De moi et m'a boycotté, c'est pas une vie de joie et moi un boycotté. Ma chérie, y'a des hauts et des bas, notre avenir est rattrapable. Je n'y a des screens et des bas, être sérieux, non, je ne suis pas capable. On pouvait s'en sortir, mais toi, comme par hasard, toi tu retiens le pire. Le pire, je suis pas là-bas. Si ma tête a vrillé, je te jure, c'est pas ma faute. Bien sûr qu'on est lié. Et tant pis pour les autres. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Mais pourquoi t'es comme ça, baba, baba, baba? Chérie Bobo. Mais pourquoi t'es comme ça, baba, baba, baba? Chérie Bobo. Dois l'avouer, que l'avenir est à nous deux. Chérie Bobo. Dois l'avouer, que l'avenir est à nous deux. Chérie Bobo. Papa, papa, papa, elle m'a laissé seule dans ce désert. Je n'ai pas pied et je me retrouve perdu comme un sans-papier. J'ai laissé mon cœur, tu l'as vandalisé. De mes fautes, tu désires me verbaliser. Et ma bella, je t'ai tout avoué, il serait peut-être temps d'oublier. Et ma bella, ouvre la porte, ne me laisse plus sur le palier. Tous les côtés, mais j'ai fauté. Elle me voyait trop comme le dernier des mythos. N'écoute pas tous ces michetons ailleurs. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi t'en as raison. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Chérie Bobo. Mais pourquoi t'es comme ça, baba, baba?